J'ai deux fenêtres en face de moi, une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite, et j'ai une fenêtre sur le côté droit. J'ai trois fenêtres autour de moi. Dans la fenêtre gauche, il y a une haie de laurier. Sur le côté gauche, à l'avant-plan, à droite de la haie de laurier, une Mercedes SUV immatriculée 503 à la fin, modèle assez vieux, sans doute une dizaine d'années. À l'avant-plan droit, le bout de la haie, style conifère. Voilà, derrière la Mercedes SUV et la haie de laurier, il y a une maison en briques rouges avec un volet gris fermé. Au-dessus, le toit, c'est une maison avec un rez-de-chaussée, il n'y a pas d'étage. Alors au-dessus, c'est le toit avec un toit en tuiles plates qui a été nettoyé récemment. Il n'y a aucune mousse, aucune crasse apparente, aucun déchet de pigeons et d'oiseaux. À gauche du toit, il y a, à gauche de la maison, milieu de plan, une haie de l'autre côté qui n'est pas en laurier. Et du côté gauche, au-dessus de la haie de laurier, on peut voir observer un arbre qui est toujours bien vert avec des feuilles bien vertes. On a ça. Et puis, encore un tout petit peu derrière, un autre arbre qui bouge beaucoup, sans doute un bouleau, peut-être pas, si, un bouleau, tronc blanc. Voilà, à l'arrière-plan, une colline avec pas mal d'arbres, des bois, et à la crête, tout au-dessus, un espace cultivé, des champs, plutôt bruns. Sur la ligne d'horizon, de nouveau des arbres, au moins grande quantité, une maison ou l'autre, un pylône électrique au milieu des terres agricoles. Et à droite, dans les bois ou à la lisière des bois, quelques constructions, quelques maisons. Un oubli de ma part, en dessous du pignon de la maison, du garage, il y a une alarme, un boîtier d'alarme. Dans le ciel, un ciel bleu, avec des nuages gris foncés, tendance bleue, et des nuages blancs, et des nuages qui se fondent dans le bleu du ciel. Trois types de nuages différents, trois types de couleurs différentes. Un ciel bleu qui tourne au gris. Un ciel bleu qui tourne au gris entre le menaçant et le beau temps. Super joli. En face de moi, la deuxième fenêtre. À l'avant-plan, la haie de style sapin, c'est pas bien quoi, ça. Derrière la haie, il y a de nouveau une maison en briques rouges avec une porte de garage brune, une porte d'entrée renfoncée en dessous d'un auvent, une porte d'entrée couleur foncée avec... un classique des années 80, la porte d'entrée, et à côté de la porte d'entrée, intégrée à la porte d'entrée, une vitre fumée, en tout cas une vitre dans laquelle on ne voit pas décorative, en verre donc, et donc à droite de l'entrée, il y a des arbustes, peut-être... un arbuste qui a des fruits, un truc du style. sur le toit des panneaux solaires. Des panneaux solaires sur le toit. Le toit, à la différence de la maison d'à côté, n'a pas été refait, nettoyé. Ce sont des ardoises, des tuiles plates, des ardoises qui sont usées, décolorées, avec des petites taches. Rien de bien méchant, pas beaucoup de mousse. Et donc des panneaux solaires extrêmement bien rangés sur la partie gauche du toit. Trois panneaux en hauteur et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 panneaux sur l'horizontale. Un Velux, un vieux Velux. Ouais. Deux cheminées. Voilà. Et c'est tout pour la maison. Ouais. Au-dessus du toit, au-dessus de la maison, un arbre aussi, sans doute un bouleau encore qui bouge bien là avec le vent. Et le ciel, alors beaucoup plus bleu que dans la fenêtre de gauche, ciel beaucoup plus bleu clair, avec toujours ces nuages gris qui sont là et des nuages blancs aussi. Voilà. Et à la gauche de cette maison-là, on peut de nouveau voir cette colline qu'on voyait à la fenêtre gauche. On la voit moins, mais on voit ces bois, on voit les bois et on voit des pylônes électriques. Et puis on voit une prairie, et puis de nouveau à la lisière, à la crête de la colline, on voit des arbres. Ok. Parfait. Alors la fenêtre droite, à ma droite, sur le côté droit. De la pelouse avec une partie la plus proche de la maison qui a été une pelouse sèche, un peu brûlée, donc qui est plus trop verte. Plus proche de la haie, c'est beaucoup plus vert. Et il y a des sortes de chicorées à gauche, à droite, des brins de pelouse, mais il y a beaucoup de mousse. Voilà, quelques fleurs jaunes ou blanches. Une clôture verte, fermée. Un poste de réception pour tondeuse automatique, un robot automatique tondeuse. Et une haie, alors la haie qui partage les propriétés en deux. La haie avec une haie qui a été entretenue récemment, bien coupée, une haie de sapin, un truc comme ça. Et bien entretenue d'un côté, à la moitié de la haie, de l'autre côté, là. On a des pointes qui se baladent un peu sur le sommet de cette haie, des pointes inégales, plus hautes que la partie proche de la maison dans laquelle je me trouve. Voilà. Après, il y a une maison avec des briques rouges de nouveau, mais à la différence des autres maisons, ici, on a une couverture de la partie haute du mur en briques. On a une couverture de tuiles. Sur le mur. Et on a ces mêmes tuiles qu'on retrouve sur le toit, avec de nouveau des panneaux solaires qu'on ne voit pas bien parce qu'on est sur le côté où il n'y a pas de pan de toit. Donc on ne les voit pas, mais on peut deviner un panneau solaire et une fenêtre à moitié ouverte en oscillant battant. Devant la maison, un arbre déjà fort, rouge-brun. Et plus loin, des fils électriques qui se baladent entre des poteaux électriques avec des câbles électriques noirs sur lesquels aiment bien se promener des pigeons. Des arbres, de nouveau des arbres, c'est des bouleaux de nouveau. Et au loin, on peut voir deux maisons, pas au loin en fait, des maisons qui sont relativement proches aussi de l'autre côté de la rue. Une maison avec un toit plat. Et un horrible évacuateur d'air conditionné qui est plutôt lui à la verticale sur un toit plat. Et puis voilà. C'est tout pour cette maison-là. Et la maison à côté, elle, de nouveau une maison en briques rouges, elle par contre, avec des panneaux solaires aussi, le même type d'ardoise, de tuiles là, un peu décolorées. Et au loin, une colline, de nouveau une colline, avec des arbres, beaucoup de bois, des arbres bien verts, bien vigoureux, bien gros. Ça a l'air dense et on a envie de s'y perdre dans le ciel bleu, beaucoup de bleu, du bleu clair, un peu comme la deuxième fenêtre, du bleu clair avec un nuage très blanc et très beau qui est entouré de nuages gris, mais des gris plutôt clairs. Et puis plus loin, on a des nuages qui sont gris un peu plus foncés, gris bleu. Et le vent doit aller du sud vers le nord, quelque chose comme ça, ou alors du sud vers le nord. C'est ça qui se passe, ouais. Quelque chose comme ça. Et pas beaucoup de nuages, pas tellement de nuages comme ça à l'avant-plan, mais plus loin, une couverture nuageuse assez conséquente. Le brasseur vient de passer en camion dans la nuit. Un brasseur avec un camion à l'ancienne, avec plein de casiers de vieilles boissons.